Eh, hey, vous en conviendrez, c'était nul, hein. Fallait bouger. Ouais, d'abord. Bon allez, on y va. On se casse. Hey, vous jouez pas on vous laisse l'excellent groupe Melba. Non, je joue Maïna. Eh, hop. Eh, hey, Alex. Alex, ouais. Je m'appelle Maïna. De quoi? Maïna. Oh, je chante plus. Merci. Eh, hey, c'est pas cool, hein, quand même. Ouais, elle s'appelle Maïna. Est-ce que c'est Maïna? Mais pogo bordel! Oh!